Section 3. Des ressources qu'on trouve en soi. Chapitre 1er. Que personne à l'avance ne redoute assez le malheur. L'égoïsme est ce qui ressemble le moins aux ressources qu'on trouve en soi, telles que je les conçois. L'égoïsme est un caractère qu'on ne peut ni conseiller ni détruire. C'est une affection dont l'objet n'étant jamais ni absent ni infidèle, peut sous ce rapport valoir quelques jouissances, mais cause de vives inquiétudes, absorbe comme la passion pour un autre, sans faire éprouver l'espèce de jouissance toujours attachée au dévouement de soi. D'ailleurs, la personnalité, soit qu'on la considère comme un bien ou comme un mal, est une disposition de l'âme absolument indépendante de sa volonté. On n'y arrive point par effort, on y est au contraire entraîné. La sagesse s'acquiert, soit parce qu'elle est toute composée de sacrifices, mais se donner un goût, mais inspirer un penchant sont des mots contradictoires. Enfin, les caractères passionnés ne sont jamais susceptibles de ce qu'on appelle l'égoïsme. C'est bien à leur propre bonheur qu'ils tendent avec impétuosité. Mais ils le cherchent au dehors d'eux. Mais ils s'exposent pour l'obtenir. Mais ils n'ont jamais cette personnalité prudente et sensuelle qui tranquillise l'âme au lieu de l'agiter. Et comme cet ouvrage n'est consacré qu'à l'étude des caractères passionnés, tout ce qui n'entre pas dans ce sujet en doit être écarté. Il s'agit des ressources qu'on peut trouver en soi après les orages des grandes passions, des ressources qu'on doit se hâter d'adopter, si l'on s'est convaincu de bonheur de tout ce que j'ai tâché de développer dans l'analyse des affections de l'âme. Sans doute, si le désespoir décidait toujours à se donner la mort, le cours de l'existence ainsi fixé pourrait se combiner avec plus de hardiesse. L'homme pourrait se risquer sans crainte à la poursuite de ce qu'il croit le bonheur parfait, mais qui peut braver le malheur ne l'a jamais éprouvé. Ce mot terrible, le malheur, s'entend dans les premiers jours de la jeunesse, sans que la pensée le comprenne. Les tragédies, les ouvrages d'imagination vous représentent l'adversité comme un tableau où le courage et la beauté se déploient. La mort ou un dénouement heureux termine en peu d'instants l'anxiété qu'on éprouve. Au sortir de l'enfance, l'image de la douleur est inséparable d'une sorte d'attendrissement qui mêle du charme à toutes les impressions qu'on reçoit. Mais il suffit souvent d'avoir atteint 25 années pour être arrivé à l'époque d'infortune marquée dans la carrière de toutes les passions. Alors le malheur est long comme la vie. Il se compose de vos fautes et du sort. Il vous humilie et vous déchire. Les indifférents, les connaissances intimes même, vous représentent, par leur manière avec vous, le tableau raccourci de vos infortunes. À chaque instant, les mots, les expressions les plus simples vous apprennent de nouveau ce que vous savez déjà. Et ce qui frappe à chaque fois comme inattendu, si vous faites des projets, ils retombent toujours sur la peine dominante. Elle est partout. Il semble qu'elle rende impraticables les résolutions mêmes qui doivent y avoir le moins de rapport. C'est contre cette peine alors qu'on dirige ses efforts. On adopte des plans insensés pour la surmonter. Et l'impossibilité de chacun d'eux, démontrée par la réflexion, est un nouveau revers au-dedans de soi. On se sent saisi par une seule idée, comme sous la griffe d'un monstre tout-puissant. On contraint sa pensée, sans pouvoir la distraire. Il y a un travail dans l'action de vivre qui ne laisse pas un moment de repos. Le soir est la seule attente de tout le jour. Le réveil est un coup douloureux qui vous représente chaque matin votre malheur avec l'effet de la surprise. Les consolations de l'amitié agissent à la surface, mais la personne qui vous aime le plus n'a pas sur ce qui vous intéresse la millième partie des pensées qui vous agitent, de ces pensées qui n'ont point assez de réalité pour être exprimées, et dont l'action est assez vive cependant pour vous dévorer, excepté dans l'amour. Ou en parlant de vous, celui qui vous aime s'occupe de lui. Je ne sais comment on peut se résoudre à entretenir un autre de sa peine autant qu'on y pense. Et quel bien d'ailleurs en pourrait-on retirer? La douleur est fixe et rien ne peut la déplacer qu'un événement ou le courage. Alors que le malheur se prolonge, il y a quelque chose d'aride, de décourageant, qui lasse de soi-même, autant qu'il importune les autres. On se sent poursuivi par le sentiment de l'existence, comme par un dard empoisonné. On voudrait respirer un jour, une heure, pour reprendre des forces, pour recommencer la lutte au-dedans de soi. et c'est sous le poids qu'il faut se relever, c'est accablé qu'il faut combattre. On ne découvre pas un point sur lequel on puisse s'appuyer pour vaincre le reste. L'imagination a tout envahi. La douleur est au terme de toutes les réflexions, et il en arrive subitement de nouvelles, qui découvrent de nouvelles douleurs. L'horizon recule devant soi à mesure que l'on avance. On essaye de penser pour vaincre les sensations, et les pensées les multiplient. Enfin, l'on se perçoit bientôt que ses facultés sont baissées. La dégradation de soi flétrit l'âme, sans rien ôter à l'énergie de la douleur. Il n'est point de situation dans laquelle on puisse se reposer. On veut fuir ce qu'on éprouve, et cet effort agite encore plus. Celui qui peut être mélancolique, qui peut se résigner à la peine, qui peut s'intéresser encore à lui-même, n'est pas malheureux. Il faut être dégoûté de soi et se sentir relié à son être, comme si l'on était deux, fatigués l'un de l'autre. Et il faut être devenu incapable de toutes les jouissances, de toutes les distractions pour ne sentir qu'une douleur. Il faut, enfin, que quelque chose de sombre desséchant l'émotion ne laisse dans l'âme qu'une seule impression inquiète et brûlante. La souffrance est alors le centre de toutes les pensées. Elle devient le principe unique de la vie. On ne se reconnaît que par sa douleur. Si les paroles pouvaient transmettre ces sensations tellement inhérentes à l'âme, qu'en les exprimant on leur ôte toujours quelque chose de leur intensité, si l'on pouvait concevoir d'avance ce que c'est que le malheur, je ne crois pas que personne pût rejeter avec dédain le système qui a pour but seulement d'éviter de souffrir. Des hommes froids, qui veulent se donner l'apparence de la passion, parlent du charme de la douleur, des plaisirs qu'on peut trouver dans la peine. Et le seul joli mot de cette langue, aussi fausse que recherchée, c'était celui de cette femme, qui, regrettant sa jeunesse, disait « C'était le bon temps, j'étais bien malheureuse ». Mais jamais cette expression même n'eût été prononcée par un cœur passionné. Ce sont les caractères sans véritable chaleur qui parlent sans cesse des avantages des passions, du besoin de les éprouver. Les âmes ardentes les craignent. Les âmes ardentes accueilleront tous les moyens de se préserver de la douleur. C'est à ceux qui savent la craindre que ces dernières réflexions sont dédiées. C'est surtout à ceux qui souffrent qu'elles peuvent apporter quelques consolations.